Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le général de Gaulle et son célèbre « Vive le Québec libre ». Vive Montréal! Vive le Québec! Vive le Québec libre! Ce cri que lance Charles de Gaulle du haut du balcon de l'Hôtel de Ville de Montréal le 24 juillet 1967 provoque un tonnerre de joie dans la foule qui assiste à l'événement, mais ce cri du général provoque aussi un formidable tremblement de terre dans la capitale fédérale. Pour Ottawa, le général est allé trop loin. Invité au Canada à l'occasion du 100e anniversaire de la Fédération canadienne, ce cri de liberté lancé à Montréal est vu comme un affront par le gouvernement de Lester B. Pearson. Quel impact a eu ce cri politiquement et dans quelle mesure ce discours du général était-il prémédité? Autant de questions qu'on continue aujourd'hui encore de se poser. Je vais vous confier un secret que vous ne répéterez pas. Ce soir ici et tout le long de ma route, je me trouvais dans une atmosphère du même genre que celle de la libération. Et tout le long de ma route, outre cela, j'ai constaté quel immense effort de progrès, de développement et par conséquent d'affranchissement vous accomplissez. La France entière sait, voit, entend ce qui se passe ici. Et je puis vous dire qu'elle en vaudra mieux. Vive Montréal! Vive le Québec! Vive le Québec libre! Extrait du fameux discours du général de Gaulle sur le balcon de l'Hôtel de Ville de Montréal le 24 juillet 1967. Pour nous parler de ce discours, de la visite aussi du général de Gaulle au Québec en juillet 1967, mon invité est Frédéric Bastien, professeur d'histoire au Collège Dawson, également auteur du livre « Relations particulières, la France face au Québec après de Gaulle ». Frédéric Bastien, bonjour. Bonjour. Où situer, Frédéric Bastien, ce fameux « Vive le Québec libre » au palmarès des événements les plus marquants de notre histoire? Oui, je pense que ça a été un événement extrêmement important, pas seulement au Canada. Ce sont des paroles qui ont choqué l'Occident tout entier. Tout d'un coup, De Gaulle qui se met à parler du Québec libre en encourageant les indépendantistes. On connaissait à l'extérieur du Québec, on ne connaissait pas beaucoup le Québec, mais en France et évidemment dans le reste du monde. Et voilà que De Gaulle non seulement faisait connaître le Québec, mais en faisant la promotion de son indépendance, en s'ingérant dans les affaires intérieures du Canada. Et par conséquent, ça a eu un retentissement extrêmement grand. Même en Chine, on a inventé un idéogramme pour représenter le Québec, quelque chose qui... À ce moment-là. À ce moment-là, exactement. Incroyable. Quelle importance, concrètement, quel impact aussi ça va avoir à court terme, au moment où des événements, et puis à plus long terme, Frédéric Bastien? Ben, à court terme, ce sont un peu les événements que j'ai décrits. La crise diplomatique, oui, voilà, la crise diplomatique. Retentissement, crise diplomatique. Mais ça va servir de caution aussi aux indépendantistes et ça va les aider à plus long terme, je crois. De Gaulle était quand même le seul chef d'État encore en exercice, encore au pouvoir de la Deuxième Guerre mondiale, qui était donc toujours là, était plutôt parti et revenu. Et en 1967, donc, c'était son retour aux affaires depuis quelques années. Donc, ce chef auréolé du prestige de la lutte à l'hitlérisme, donc auréolé du prestige de la Deuxième Guerre mondiale, ce prestige était donc très, très grand, qui utilise donc cette, tout son prestige pour peser dans cette histoire de l'indépendance du Québec. Évidemment, ça a donné un formidable retentissement à ses paroles. Et je pense que l'accueil des Québécois à De Gaulle a surpris même les Québécois. Leur enthousiasme envers De Gaulle, c'était un enthousiasme envers leurs racines françaises. Ouais. Et je pense que c'est dans ce sens-là que ça a surpris, en ce sens-là, ça a même surpris les Québécois eux-mêmes, l'accueil qu'ils ont réservé à De Gaulle. Ça a réveillé quelque chose. Puis c'est vrai qu'au fond, bien sûr, ça va être une formidable tape dans le dos pour les souverainistes, pour le mouvement souverainiste. Mais plus que ça, c'est... Puis on l'entend quand on écoute l'accueil que lui fait le premier ministre Johnson quand il débarque à Québec. On entend en fait effectivement ce retour de la mère patrie dont on s'est ennuyé. Certains diraient qu'il nous a abandonnés. Il y a ça dans cette réaction d'enthousiasme de voir De Gaulle être avec nous, parmi nous. Oui, absolument. Et même les Québécois qui n'étaient pas indépendantistes ont approuvé les paroles du général de Gaulle. Ils ont approuvé cette espèce de pied de nez fait au Canada anglais, cet encouragement à rester fidèle à leurs racines. Il y a très, très peu de gens au Québec qui ont ouvertement critiqué de Gaulle. Ouais. Et c'était l'enthousiasme général qui l'a emporté. Bon, on va reculer un peu parce que c'est intéressant de voir d'où de Gaulle arrive par rapport à sa relation avec ce qu'on appelait le Canada français à l'époque. Et ce qu'on peut dire, c'est que assez tôt, Frédéric Bastien, le général de Gaulle, va développer une vraie sympathie pour le Canada français et pour les Canadiens français. Oui, absolument. De Gaulle était un peu gêné de la façon dont la France monarchique, la France de Louis XV, avait abandonné le Canada français, la Nouvelle-France à l'époque de Louis XV, et se voyait comme une continuité dans l'histoire et avait, dès son jeune âge, eu un intérêt pour le Canada français. Durant la guerre, par exemple, il y avait beaucoup de Canadiens en Grande-Bretagne, donc beaucoup de Québécois. Et quand De Gaulle en croisait, et par exemple, un de ses conseillers, quelqu'un dans son entourage, faisait une remarque par la suite sur l'accent des Canadiens français, et alors De Gaulle allait tout de suite reprendre en disant, vous savez, si peu. À travers son attitude, il y avait des signes évidents qui montraient une sympathie pour le Canada français, un intérêt pour le Canada français. Et il avait même appelé les Canadiens français en août 1940 à venir aider la France, qui faisait face évidemment au péril de la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Il connaît, au moment où il débarque en 67, il est déjà venu au Canada et au Québec. Deux fois, il viendra au Canada pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est vraiment en 1960, quand il fait un voyage au Québec, qu'il y a un déclic important pour lui. C'est là où il comprend ce qui se passe au Québec sur la question du statut politique du Québec. Que se passe-t-il lors de ce fameux voyage de 1960? Oui, effectivement. Alors, De Gaulle fait un voyage au Canada et au Québec en 1960 et il visite la ville de Québec. On est à la veille de la Révolution tranquille. On est au printemps 1960. Et là, il rencontre Antonio Barrette, le premier ministre qui a succédé à Sauvé et avant ça à Duplessis. Et on lui fait faire une visite des Plaines d'Abraham en compagnie du lieutenant-gouverneur, donc chef d'État au Québec, représentant de la Reine. Et durant cette visite, il y a l'aide de camp du lieutenant-gouverneur qui, côte à côte avec l'aide de camp du général de Gaulle, qui s'appelle l'amiral Floic, et l'aide de camp, dont j'ai oublié le nom, se tourne vers l'amiral Floic et lui dit « Vous voyez, c'est ici, vous, les maudits Français, que vous nous avez abandonnés. » Et là, l'amiral Floic, donc, est très surpris de cette espèce d'interpellation, si je puis dire. Et le soir, raconte l'anecdote au général. Et De Gaulle, justement, à partir de ça, va commencer à méditer et va en venir à cette conclusion. Premièrement, il y a un problème entre les Canadiens français et la France. Il y a une blessure, il y a une coupure. Et il faut faire quelque chose pour rétablir les ponts entre la France et le Québec, d'une part. D'autre part, il y a un problème entre les Canadiens français et les Canadiens anglais. Et De Gaulle, c'est le père de la décolonisation lors de son retour aux affaires. C'est la guerre d'Algérie. De Gaulle est appelé à liquider l'Empire français. Il comprend que les peuples du monde aspirent à l'indépendance et il en vient à concevoir les Canadiens français comme étant justement faisant partie de cette longue liste de peuples qui se sentent opprimés et qui aspirent à l'indépendance. Et c'est à travers ce prisme qu'il va voir la situation. Donc, véritable déclic pour lui en 60. Arrive l'invitation de venir célébrer le 100e anniversaire de la Fédération canadienne en 1967. Au départ, De Gaulle a vraiment, mais pas du tout envie de venir au Canada. Pourquoi? D'abord parce que le centenaire de la Confédération, pour lui, la Confédération a été bâtie sur une défaite de la France. Et il va dire à l'ambassadeur français à Ottawa, pourquoi est-ce qu'on nous irions célébrer une défaite de la France? Ensuite, il y a l'idée de l'expo qui le tente plus ou moins. Il va dire, qu'est-ce que j'irai faire dans cette foire? Et donc, il est un peu plus ou moins intéressé. Mais finalement, il y a Drapeau qui va beaucoup insister, le maire Drapeau qui est très, très francophile. Il y a le premier ministre du Québec, Daniel Johnson, qui va beaucoup insister aussi. Et une des choses qui gênait De Gaulle dans une éventuelle visite de l'Expo et du centenaire du Canada, c'était qu'il devait arriver à Ottawa, comme tous les chefs d'État et de gouvernement. Protocole. Oui, c'est ça, voilà, c'était le protocole. Et faire un crochet ensuite à Montréal. Il n'avait pas envie de se rendre au Canada anglais. Et quelqu'un, dans son entourage, il y a une idée qui a émergé, et c'était qu'il pouvait arriver en bateau, de telle sorte que la géographie imposerait, aurait sa priorité sur le protocole, si je puis dire, parce qu'il ne pourrait pas arriver autrement qu'au Québec en premier. Ouais. Et donc, De Gaulle a dit, voilà, excellente idée, et c'est comme ça qu'il est arrivé en bateau sur le Colbert en juillet 67. Et qu'il débarque donc à Lanceau-Foulon, enfin à Québec. Il arrive donc... Il faut le dire, on a vu d'où il venait. Il arrive au Québec avec une idée assez claire. On peut le voir, ça, au fil de ses discours sur le fameux chemin du roi. Il va parcourir, au deuxième jour de sa visite, la distance entre Québec et Montréal. Et on voit bien qu'il a déjà une idée claire de ce qu'il veut dire aux Québécois. On écoute justement l'un de ses discours qu'il prononcera sur le chemin du roi, ce fameux 24 juillet 1967. Je sais qu'à Louisville en particulier, comme dans tout le Québec, dans tout le Canada français, une vague se lève. Cette vague, c'est une vague de renouveau, c'est une vague de volonté pour que le peuple français du Québec prenne en main ses destinées. Extrait du film que va réaliser Jean-Claude Labrecque en 1967 sur la visite du général de Gaulle. Déjà, il y a pas mal d'éléments qui nous laissent effectivement comprendre, Frédéric Bastien, qu'il sait ce qu'il vient faire ici. Quand il débarque, il sait ce qu'il veut dire aux Québécois, le général de Gaulle. Oui, d'ailleurs, un des conseillers du général avait dit à un proche du premier ministre Johnson, en fait Claude Morin, pour ne pas le nommer, le général n'ira pas au Québec pour inaugurer les chrysanthèmes. Alors donc, c'était l'idée. Et De Gaulle était convaincu de l'indépendance du Québec depuis déjà quelques années, au moment où il fait le voyage. Mais il voulait brasser la cage, mais il n'était pas déterminé sur la façon précise dont il allait livrer ce message. Et donc, mais on voit, donc, on décortique ces différentes déclarations. Il encourage les Canadiens français à être maîtres d'eux-mêmes, à se prendre en main. C'est un message d'autodétermination que le général livre et qu'il livre ailleurs dans le monde également. Il encourage les peuples qui ne sont pas indépendants ou qui sont sous le joug soviétique ou qui sont influencés par les Américains ou contrôlés par les Américains. Il les encourage à se prendre en main et devenir indépendant. Donc, ce discours d'autodétermination, il est là, effectivement, tout du long, lors de ce fameux parcours entre Québec et Montréal sur le chemin du roi. Est-ce qu'il avait décidé, prémédité de dire « Vive le Québec libre » sur le balcon de l'Hôtel de Ville? Ça, c'est une grande question. Puis, il y a toute une vision un peu romantique. On a beaucoup dit, je suis curieux de vous entendre là-dessus, Frédéric Bastien, on a beaucoup dit que il est accueilli avec un enthousiasme délirant. Vraiment partout, ce sera le cas à l'Hôtel de Ville de Montréal, mais tout du long sur le chemin du roi. Puis la mythologie dit que De Gaulle, au fond, se laisse porter par cette vague d'enthousiasme et que plus il avance vers Montréal, plus il est porté par cette vague-là, ce qui expliquerait ce fameux « Vive le Québec libre ». Comment ça se déroule sur le chemin du roi? Puis qu'est-ce qui appartient au mythe à la réalité dans cette vision un peu romantique? Oui, il est certain que le général de Gaulle était enthousiasmé par l'accueil que lui ont réservé les Québécois. Quand il est arrivé à l'Hôtel de Ville, avec une heure de retard d'ailleurs, sur le chemin, tellement d'enthousiasme, la foule était dense, etc. Drapeau l'accueille et lui dit « J'ai un portraitiste qui pourrait immortaliser votre séjour ici ». De Gaulle détestait se faire prendre en photo, alors il répond à Drapeau « Volontiers, volontiers ». Là, il se prête au jeu, il est... alors que d'habitude... Il est dans de bonnes dispositions. Il est extrêmement content. Et c'est là que la foule crie, alors on entend à l'intérieur, et De Gaulle dit « Il faut que je leur parle ». Et Drapeau a une réponse toute trouvée, il dit « Mon général, il n'y a pas de micro ». Parce que effectivement, et c'est là où on en vient à la partie improvisée de ce voyage, il n'était pas prévu que de Gaulle parle au balcon de l'Hôtel de Ville ce soir-là. Mais des techniciens de la télévision française et de Radio-Canada avaient préparé une installation, un micro, des haut-parleurs, au cas où. Mais tout ça ne faisait pas partie du protocole. Ouais. Ils avaient pris ça, décidé de cela de leur propre initiative, en quelque sorte. Et Drapeau, dans la journée, dans les heures précédant l'arrivée de De Gaulle, avait vu un technicien, justement, installer un micro. Il lui avait dit « Qu'est-ce que vous faisiez là? Je veux que vous disparaissiez avec votre micro. » Et là, le type s'était un peu senti pris entre l'arbre et l'écorce. Et finalement, il avait décidé de ranger le micro un peu, le cacher un peu à la vue, de le débrancher, mais avait laissé l'équipement en place. Et là, quand De Gaulle entend la foule et dit à Drapeau « Il faut que je leur parle », là, Drapeau a sa réponse toute trouvée. Et au moment où il dit « Mon général, il n'y a pas de micro », le technicien en question réapparaît. Drapeau dira plus tard « Comme un diablotin oui. » et dit au général « Mais oui, je peux, le micro n'est pas loin, je peux le réinstaller, ça prendra quelques minutes. » Et là, De Gaulle dit « Faites mon brave. » Et là, Drapeau était plus capable d'empêcher De Gaulle de parler. Pourquoi il veut pas que... Il sent que c'est un terrain miné, Oui, je pense que Drapeau sentait... Tout le monde sentait qu'il se passait quelque chose de spécial. Et le discours de Louisville qu'on a entendu tout à l'heure et d'autres discours suggéraient bien déjà la teneur du message de De Gaulle. Et là, Drapeau devait se dire... Qu'est-ce qui va arriver? Et vous répondez au fond à la question, il ne pouvait pas l'avoir prémédité, ce Vive le Québec libre, dans la mesure où il ne devait pas parler ce soir-là au balcon de l'Hôtel de Ville. Donc, c'est la suite de cette journée du chemin du roi qui mènera à ce point culminant. Comment est vécu et qu'est-ce que ça veut dire, ce discours, pour le mouvement souverainiste du temps? Je vous propose d'écouter un extrait du documentaire Le RIN, réalisé en 2002 par Jean-Claude Labrec. Vous allez y entendre Pierre Bourgault et André Ferretti. Alors, on était partis, je sais, peut-être une cinquantaine, puis juste sous le balcon, et là, la tension montait, les cris, tout, parce qu'ils disaient « Vive la France, vive Montréal, vive le Québec! » Et c'est d'en bas qu'est parti le Libre. En moins de 24 heures, il a mis le Québec sur la carte du monde. Il était le seul à avoir la stature pour le faire, il était le seul à oser briser les règles pour le faire. Et il l'a fait. C'est extraordinaire. Comment voulez-vous qu'on ait des aspirations? Comment voulez-vous qu'on ait envie de se battre quand on sait, depuis 200 ans, qu'on perd et qu'on perd? C'est ça, être profondément colonisé. Et c'est ça qui nous a fait crier « Vive le général de Gaulle ». Parce que lui, pour la première fois en 200 ans, il est venu là, sur notre terre, nous dire en français ce qu'il pensait. C'est le premier homme qui a gagné, qui est venu nous dire « Lâchez pas !» Comment René Lévesque a réagi à ça? Il dit « C'est un vieux fou. Il n'a pas d'affaire à nous dire ça, incapable de le faire tout seul. Maudit épais. » J'étais tellement maudit contre Lévesque à ce moment-là qu'aucun sens historique, incapable d'analyser quoi que ce soit. Comme si le général de Gaulle venait nous dire quoi faire. C'était un discours extraordinaire. C'était pas impérialiste du tout. Il a simplement dit, si vous y allez, nous y vous accompagnerons. Quel impact, Frédéric Bastien, va avoir ce discours du général de Gaulle pour le mouvement souverainiste du Québec et dans la dynamique politique intérieure au Québec? Oui, d'abord, Lévesque n'a pas réagi de façon aussi négative que ce que M. Bourgault le dit. C'est vrai qu'il n'était pas à l'aise sur le coup avec ça. Mais le discours va avoir son importance de façon plus large dans les relations France-Québec. Le général de Gaulle fait redécouvrir le Québec en France et il va avoir un impact durable sur ses retrouvailles. Il va ouvrir une phase de rapprochement entre la France et le Québec. Mmh. Évidemment, c'est toujours une relation qui est asymétrique. Le Québec en France, c'est jamais aussi important que la France au Québec, bien sûr. Mais de Gaulle va essayer justement de rapprocher les deux peuples et de faire connaître le Québec en France. Ouais. Et là, il va lancer une coopération au niveau des gouvernements qui se poursuit aujourd'hui. Donc là-dessus, je pense que de Gaulle a joué peut-être l'héritage, un des legs les plus importants de ce voyage. C'est vraiment ce rapprochement, cette redécouverte des deux peuples français et québécois. Au-delà de l'aspect plus purement politique, et ça comptera quand même, parce que ce sera comme un électrochoc pour le mouvement souverainiste, cet appui du grand de Gaulle. Évidemment, on l'évoquait au tout début, Du côté d'Ottawa, on ne trouve pas ça très drôle. Comment va être perçu ce discours du général de Gaulle par le gouvernement fédéral? On écoute en conférence de presse le premier ministre du temps, Lester B. Pearson, le 26 juillet 1967. Je suis sûr que les Canadiens tombés à la lutte du pays se sont réjouis de la chaleureuse bienvenue que le président de la France a reçue au Québec. Cependant, certaines déclarations faites par le président ont tendance à encourager la faible minorité de notre population qui cherche à détruire le Canada. Et comme telles, elles sont inacceptables pour le peuple canadien et son gouvernement. Les habitants du Canada sont libres. Toutes les provinces du Canada sont libres. Les Canadiens n'ont pas besoin d'être libérés. En vérité, des milliers de Canadiens ont donné leur vie durant deux guerres mondiales pour libérer la France et d'autres pays d'Europe. Alors, assez clairement, Frédéric Bastien, il est piqué au vif, Lester B. Pearson, le premier ministre canadien à l'époque. Quel sera l'impact, politiquement et diplomatiquement, quel sera l'impact de ce discours du général de Gaulle? Oui, bien, politiquement, il va y avoir un impact tout à fait durable jusqu'à aujourd'hui. Les relations Québec-Ottawa-Paris, les relations triangulaires, c'est le début, si on veut, de relations triangulaires entre Paris, Ottawa et Québec, où Ottawa, à différents moments, va prendre ombrage des relations directes et privilégiées entre la France et le Québec, ce qui va donner lieu à de multiples affrontements à certaines périodes. Et j'ajouterais que l'appel de De Gaulle, cette espèce de caution qu'il donne au mouvement indépendantiste, évidemment, il n'a pas inventé le mouvement indépendantiste, et le mouvement indépendantiste continue après à se développer, et ce serait développé sans De Gaulle, évidemment, mais ça ajoute au Canada anglais, ça ajoute un sentiment d'urgence. Il y a une image ou une analyse qui émerge, c'est que le Québec va quand même à vitesse peut-être pas grand V, mais flirte dangereusement avec l'indépendantisme. Et je crois que cet appel de De Gaulle va servir Pierre Trudeau, puisque Pearson va annoncer sa démission quelques mois plus tard. Et au Canada anglais, il y a vraiment une préoccupation par rapport à qu'est-ce qu'on fait avec la question du Québec. Et c'est là que Trudeau, donc, qui lui était en faveur d'une réaction beaucoup plus musclée à celle de Pearson, il était dans ceux qui disaient qu'il faut réagir vraiment de façon... Pearson a mesuré ses mots, il a condamné, mais il s'est retenu. Des gens comme Trudeau dans le cabinet fédéral, Trudeau était ministre de la Justice, voulait une réaction beaucoup plus dure. Et je crois que ça va indirectement servir Trudeau lorsqu'il va annoncer sa candidature au poste de chef du Parti libéral. Avec ce rôle dont il s'investira d'être la voix fédérale et du fédéralisme. Le chef des antiséparatistes, ouais. Celui qui allait les empêcher de s'emballer. Frédéric Bastien, professeur d'histoire au Collège Dawson, auteur du livre, je le rappelle, Relations particulières, la France face au Québec après De Gaulle, qui est publié aux éditions Boréal. Merci beaucoup, Frédéric. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.